Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Fête du sport, une série documentaire de Juliette Boutillier, réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a une Coupe du Monde de foot qui ne se la raconte pas. Les souvenirs pénibles des cours de PS au collège, souffrance de l'endurance, humiliation des sportco, panique de la piscine, échec de la corde lisse. Et le plaisir du vélo dans la ville, de l'escalade en forêt, du souffle court de la danse ou du volley à la plage. Mais il faut se souvenir que le sport, ça peut être tout ce qu'on veut en bas de chez soi et entre copines. Alors pour commencer, les personnages. Un commentateur en herbe, des joueurs d'à côté, un spécialiste du football, une joueuse euphorique, des supporters politiques, une comédienne et une performeuse. Ensuite, le décor du foot industriel, un sport sauvage, des règles d'aristocrates, l'esprit d'entreprise, des ouvriers, des pelouses coupées ras, des passes et des pas, Zidane demi-dieu, de la simulation, l'Égypte et l'Algérie et du féminisme à gogo. Aujourd'hui, 4e épisode, on fait les équipes. 1. On y va pour voir. 2. On le fait 10 fois. 3. Tournez la tête de part et d'autre en regardant par-dessus l'épaule. Comment il s'appelle lui là? Yadé, comment il s'appelle à côté de toi? Comment il s'appelle lui à côté? Yacouba lui, c'est Yacouba lui. Celui qui est là-bas là. Ouais, il joue pas, lui. Samir, celui qui a la veste bleue là. Samir, veste bleue. Ouais, je t'ai vu du jeu toi. C'est Arouna avec là-bas, celui qui a le ballon. Moi, ce que je dis tout le temps un peu pour rigoler, c'est je fais une comparaison avec la tomate. Je dis ça parce que en parlant une fois avec un agriculteur bio, il disait l'industrie nous a eu parce que ce qu'ils appellent la tomate, c'est une tomate industrielle sans saveur, insipide, qui est produite dans des conditions sociales atroces. Et nous qui faisons une vraie tomate, une tomate simple, gorgée juste d'eau et de soleil, on est obligé de se démarquer en appelant ça la tomate bio, quoi. Et pour le football, c'est un peu pareil, en fait. On s'est un peu fait avoir en disant le vrai football, qui est pour moi vraiment le football de rue, le football amateur, le football de quartier. Aujourd'hui, on essaie de le distinguer en tant que football populaire. Et le football qui est structuré par l'industrie s'appelle football. On devrait faire l'inverse. Le football, c'est le vrai football de rue. Et le football professionnel, on devrait l'appeler le football industriel. Faire du sport. Le sport comme un jeu. Bon, mis à part ça, il y a quand même un vrai football aujourd'hui qui existe toujours, qui est vraiment pour moi le football de rue, le football de quartier, le football sauvage. Faut savoir par exemple qu'au Brésil, où le football c'est vraiment la passion populaire par excellence, c'est un football de rue quoi, qui se joue même pieds nus. Il y a même un nom pour ça, c'est la pelada. Et donc sur 200 millions d'habitants à peu près, il y a seulement 2 millions de personnes qui sont affiliées à la Fédération de football brésilienne. Michael Correa. En France aussi. Depuis une dizaine d'années, le nombre d'affiliés à la Fédération française de football stagne autour des 2 millions d'adhérents. Il y a énormément de gamins et de gamines qui jouent au football, mais qui ne sont pas affiliés à des clubs, parce que ça ne les intéresse plus, parce que aller jouer, faire l'entraînement le mercredi, faire le match le samedi, ou c'est même pas toi, c'est l'entraîneur qui sélectionne qui doit jouer, etc. C'est trop contraignant, ça ne les intéresse pas, et du coup, ça les intéresse beaucoup plus de jouer au football dans la rue. Ça va, match amical à Montreuil ici. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le côté gauche là, du terrain, un centre tenté par Samir. Mais le gardien a bien lu la trajectoire. Il s'agit de Ala Kana qui s'est placé justement pour intercepter ce ballon. On repart de derrière. Le vrai football m'évoque une fiction. Un match joué sans balles selon des règles fixées par des djihadistes pendant le film Timbuktu. Je me souviens de l'émotion à la vue d'un jeune garçon se penchant et mimant le geste de ramasser à ses pieds un ballon dont il épousait avec les mains les contours invisibles sous les yeux de spectateurs assis sur un muret de pierre. j'éprouve pour la première fois la réalité d'une oppression contrecarrée par un football joué très sérieusement comme un acte de résistance. Ici, que le ballon soit une boule de bois, un panier d'osier fermé de toutes parts, une vessie de porc remplie d'air, de paille, de son, comme celui de la soule, l'ancêtre du football, ou un bout de chiffon ou un véritable ballon, ici donc, les paroles s'échangeront autour de stades inventés ou réappropriés. Les acteurs seront en maillot de bain, en bermuda, en t-shirt ordinaire ou de marque, avec ou sans dossard et crampons. Merci, la frappe très lourde de la part de Momsis qui touche le montant du gardien Kalou. Balle qui n'a pu faire autre chose que de regarder le ballon s'écraser sur son poteau. Deuxième tentative maintenant pour Momsis. Il va essayer de se débarrasser de son adversaire direct à l'entrée de la surface de réparation. Ballon perdu. Levé de rideau sur le City Stade Paul Doumer de Montreuil. En bas de chez moi, Clément Lebas, jeune journaliste, s'applique à commenter un tournoi de quartier comme s'il s'agissait d'une Coupe du Monde. On est reparti, milieu de terrain maintenant avec Yaté qui va pouvoir redonner encore une fois à Momsis qui se met sur son pied gauche, la frappe, la voici, l'ouverture du score. Il reste quelques instants, on l'entend justement fêter son but avec tous ses partenaires. Et ouverture du score donc de Momsis, et on attend que les équipes se remettent sur le terrain. On dit souvent que c'est un sport d'aristocrate, en tout cas qui a été codifié par l'aristocratie. Alors ça c'est vrai, bien évidemment. Mais ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait il y a des pratiques populaires de ballon rond qui se pratiquaient dès le Moyen-Âge, au fait, sur toute la Grande-Bretagne. Un peu aussi dans l'ouest de la France, là en Bretagne, en Normandie. Et c'était des jeux plutôt liés aux communautés paysannes, on va dire, qui se pratiquaient souvent les jours de Mardi Gras, dans le cadre du carnaval. Et c'était des jeux très simples, au fait, très basiques. C'était juste deux paroisses ou deux communautés villageoises. Des fois, c'était les hommes mariés versus les hommes célibataires qui s'affrontaient. Et le but, on s'accordait de dire, voilà, faut mettre le ballon dans tel endroit. Ça pouvait être un marais, un portique d'église, etc. Et par n'importe quel moyen possible. C'est des pratiques qui avaient une vraie symbolique sociale, au fait. Quand une équipe gagnait, ça veut dire que la communauté était bien soudée pour gagner face à l'équipe. Et comme on jouait aussi à travers champs, à travers les forêts, etc., ça voulait dire aussi qu'on connaissait bien son territoire. Après, ce qui va se passer à partir du XVIIIe siècle, les terres vont être privatisées, en fait. Ils vont mettre tout simplement des enclos pour se réapproprier les terres. Du coup, comme il y a de moins en moins de terrains disponibles pour jouer, ces jeux populaires vont disparaître. On va néanmoins les revoir apparaître au XIXe siècle au sein d'une institution pédagogique très particulière qu'on appelle les public schools. Alors c'est des écoles qui sont tout sauf publiques, c'est des écoles privées où en fait on forme l'aristocratie britannique. Et donc ces jeunes bourgeois turbulents vont s'adonner à ces jeux violents de ballon rond. Et un peu par opportunisme pédagogique, on va dire, les professeurs vont dire, au lieu d'interdire ces jeux-là à leurs jeunes élèves qui sont très violents, on peut les codifier, on peut domestiquer ces jeux, et ça peut être une belle école pour apprendre des nouvelles valeurs qui sont nécessaires à la révolution industrielle. En fait, le foot, en le codifiant, on va codifier les deux en 17 lois, les fameuses 17 lois du football, en 1863, c'est vraiment l'acte de naissance du foot. Ça va servir pour la bourgeoisie à inculquer l'esprit de compétition, l'esprit d'initiative, le virilisme aussi, la combativité, l'obéissance au chef, voilà des valeurs qui sont vraiment nécessaires pour former le futur patronat qui va ensuite partir à la conquête coloniale pour l'Empire britannique et aussi ouvrir les premières grandes entreprises privées. Quand ces élèves vont sortir de ces public schools, ils vont vouloir inculquer aussi le football à leurs ouvriers. Le truc, c'est que ça va se retourner contre eux, dans le sens où ces ouvriers à l'époque sont issus d'un exode rural massif. Donc dans ces grands quartiers ouvriers de Londres, Manchester, Liverpool, etc., ils ont besoin de se recréer des nouveaux repères sociaux. Et au fait, le football, ça va servir à ça. En fait, ça va être le terreau d'une nouvelle culture ouvrière. Donc, ils vont aller ensemble voir les matchs le samedi ou le dimanche. Ils vont commenter les matchs le lendemain sur les chaînes de montage le lundi à l'usine. On va fêter au pub justement les victoires ou les défaites de l'équipe. L'équipe qui est souvent justement associée à l'usine et qui embauche déjà des premiers ouvriers footballeurs. Ouais, ça va devenir comme ça le terreau d'une culture ouvrière et ça va un peu alimenter, le sentiment d'appartenance à un même quartier, à une même communauté ouvrière, ça va nourrir un certain sentiment de classe. Redescendez, Oussama, redescend, viens. Moi, c'est Shekina. Mohamed. On vient souvent là, mais c'est plus souvent les dimanches, mais là, on vient juste pour... comme ça, hein, parce que c'est le ramadan. Il n'y a pas trop de choses à faire, on fait passer le temps, on prend du plaisir, on fait passer le temps en même temps. On fait un tournoi, mais c'est pour le plaisir. Les gens, ils viennent et ils font des équipes, après ça tourne. Le perdant, il sort, le gagnant reste sur table. Mais vous, êtes de la cité des Grands Péchés à côté ou quoi? Moi, je viens du Grand Péché, moi. Moi, je suis du BR. C'est pratiquement tous des gens qu'on connaît qui viennent. Ouais. C'est vraiment que mon truc. Moi, je suis footballeur professionnel pour le Paris Saint-Germain. Non, arrêtez. Non, sérieusement. Ouais, j'ai arrêté les gars, comportement. Ouais, qu'est-ce que vous... Excusez-moi, j'étais perturbé par... Oula, on a assisté à un vrai but. Non, vas-y, je vous écoute. Mais non, mais c'est juste... est-ce que vous venez là souvent? Ouais, on va dire que... Ce terrain, il nous permet de nous changer un peu les idées. De se retrouver entre copains et... Franchement, c'est bien, ça fait passer le temps. Mais vous êtes de différents clubs ou... Non, on est des footballeurs amateurs. La plupart, pour eux, le foot, c'est terminé. On a trouvé d'autres vocations. Du coup, on prend juste du plaisir. Après, il y a certains joueurs qui sont là, qui jouent dans des clubs en Italie, à Lyon, à l'étranger. Ouais. Ah, il y a beaucoup de talent dans cette ville, dans ce quartier surtout. Depuis l'âge de 6 ans, je jouais dans une association, la SMB, association sportive et éducative, qui permettait aux enfants du quartier qui n'avaient pas forcément les moyens de se sentir comme les autres, on va dire. Et, bah, ça nous a inculqué quelques valeurs. Hein. Et même avec certaines personnes qui sont du quartier à côté, ça a créé des liens. On n'est pas amis comme si on avait grandi ensemble, mais voilà. On va dire que le respect, il est là, quoi. On sait que si demain il y a un problème dans le quartier d'à côté, ça va pas partir en cacahuète comme ça. Parce qu'il y a des liens qui se sont passés dans le passé. Mais bon, je dois aller jouer au foot. C'était Nino Brown. Un des premiers, on va dire, jalons de l'histoire populaire du football pour moi, c'est la finale de la Coupe d'Angleterre en 1883. On a les anciens élèves de la public school d'Eton. Et un peu par hasard sportivement, pour cette finale-là, on va avoir une équipe ouvrière, le Blackburn Olympique, qui viennent de Preston, hein, qui est une grande ville industrielle du nord de l'Angleterre, donc qui descendent à Londres pour cette finale. Durant ce match-là, en fait, on va vraiment avoir deux visions du monde total qui vont s'affronter. Donc du côté des anciens élèves d'Eton, le gardien, c'est un député conservateur et un banquier, c'est que des grands capitaines d'industrie. Le capitaine de l'équipe vient avec sa grande barbe rousse, habillé tout en blanc à dos de cheval durant cette compétition. Et ils vont pratiquer un jeu extrêmement individualiste, en fait. C'est 6 attaquants devant, le but c'est de balancer le ballon loin devant et puis d'essayer de dribbler tout le monde et de marquer le but. Pour eux, passer le ballon, c'est justement un aveu de faiblesse. A contrario, les ouvriers de Preston, leur capitaine, c'est un simple plombier, un modeste plombier. C'est des jeunes ouvriers tisserands ou des apprentis qui travaillent dans l'industrie. Et à contrario, donc, ils vont pratiquer un vrai jeu de passe, au fait. Ça va vraiment surprendre la presse et le public à l'époque. En fait, ils retranscrivent vraiment la réalité sociale des ouvriers à l'époque. C'est-à-dire qu'ils doivent s'entraider au sein de l'usine. Donc, du coup, tout naturellement, ils s'entraident sur le terrain de football. Et au fait, pour eux, la passe, c'est pas un aveu de faiblesse, mais au contraire, c'est un acte altruiste au service de l'équipe. Face à ce jeu de passe, hein, qu'on va appeler le passing game, puisqu'il est le jeu qu'on connaît tous aujourd'hui, hein. La passe, c'est le premier, c'est le geste de base dans le football. Grâce à ce jeu de passe, ils vont vaincre ces fameux aristocrates d'Eton, et ça a vraiment signé la fin de l'hégémonie bourgeoise sur l'ensemble du football. Tu sors des vestiaires, la peur au ventre. Tu montes un escalier de béton. Tu ne vois d'abord qu'un carré de pluie dans le faisceau lumineux. La puissante lumière blanche, tout en haut, aux quatre coins, rend la nuit éblouissante. On court en tous sens, le plastique vert brille, le périphérique rugit. On patauge, on est en short. Au mois de février, on a les joues rouges, on est en feu. Douche brûlante, puis RER fier. Je suis la plus forte. Quand je suis dans le RER après l'entraînement, là, c'est un moment extraordinaire, quoi. Je suis toujours totalement euphorique. C'est l'adrénaline qui envahit mon corps et c'est ce qui fait que certaines personnes sont accros au sport. C'est pour ce moment-là. Et là, ouais, j'ai envie d'exprimer ma joie totale et c'est là où j'écris ces choses-là. Il y a un aspect esthétique dans le football parce que ça tient déjà du théâtre, bien sûr, avec des acteurs, une histoire, un dénouement, des drames. Et ça tient aussi de la chorégraphie. Il y a des gestes, il y a des beaux gestes, il y a des très beaux gestes. Les gestes sont précis. Moi, j'ai fait beaucoup de danse classique et ça m'a énormément aidée. Quand on tire dans un ballon, il y a une position précise du corps et il n'y en a pas deux. Tout se joue au millimètre près et le geste, quand il est réussi, il est forcément beau. Quand un joueur de haut niveau tire un corner, il a une façon de positionner son corps qui est magnifique. Je vois ça comme une performance, comme un ballet, comme une pièce de théâtre. C'est plus qu'un sport. On connaît Zidane, la roulette, il prend le ballon devant l'adversaire, il pose son pied sur le ballon et avec son pied d'appui, il va tourner autour de l'adversaire pour pouvoir l'éliminer et aller vers l'avant. Mais celui que je préfère, c'est coup du sombrero, c'est-à-dire que le ballon va rebondir devant le joueur. Il va pouvoir avoir un adversaire qui va arriver vers lui pour essayer de lui prendre le ballon et d'un petit coup de pied, il va réussir à lober son adversaire justement qui est derrière lui, se retourner et pouvoir partir vers l'avant ou vers l'arrière pour protéger son équipe. Tout le monde le fait, même que ça soit même en division district, tu le vois des fois. Et moi, je trouve ça génial. J'aurais aimé connaître Platini, premier titre de l'équipe de France 84. J'aurais aimé connaître Henri Michel. C'est la légende du FC Nantes et l'une des premières légendes du football français. J'aurais aimé voir Raymond Coppa, Pelé, Maradona, forcément. On verra beaucoup de temps avant de voir deux monstres comme Messi et Ronaldo donner autant de plaisir à autant de monde. Pour moi, le moteur, enfin en tout cas là où se niche vraiment la puissance politique du football, c'est dans le fait qu'il procure du plaisir assez facilement en fait. Rien qu'en se passant la balle à deux, on peut déjà vraiment prendre du plaisir. Et le plaisir, si on en réfléchit bien, ça peut être déjà un premier pas vers l'émancipation. Il y a vraiment une grammaire élémentaire qui offre énormément de liberté. Ça, c'est vraiment pour moi la puissance politique du football et le fait qu'il soit justement populaire, le fait qu'il ne pourra jamais être approprié pleinement par l'industrie, elle vient de là. On dit toujours que dans le football, c'est l'individu qui est au service du collectif, et c'est un peu ça, c'est une grande force du foot. Mais c'est vrai que dans le football de rue, à peu à l'instar d'autres cultures urbaines, je pense notamment à la culture hip-hop ou au rap, c'est au contraire, c'est le collectif qui est au service de l'individu. Donc c'est vrai que le fait que ce football de rue soit très esthétique, très spectaculaire, ça vient de là. Ouais. J'ai vraiment envie, quand je joue au football, j'ai vraiment envie de me démarquer et d'exister en tant qu'individu à part entière. J'ai commencé le foot à Paris à l'âge de 40 ans. J'étais une maman solo, une parisienne. J'ai élevé donc toute seule mes trois enfants. Et là, ils étaient tous les trois dans l'adolescence. Et c'était vraiment très dur. Adrienne Alcover. Et j'avais un espèce de burn-out, quoi, mais je pouvais pas m'échapper. Il fallait s'en occuper quand même. Et voilà, en plus, j'habite dans un quartier assez difficile. J'habite par deux Pantins. Bon, c'est pas facile, quoi, d'élever trois adolescents là. Bref, je voulais faire du sport, j'avais besoin de me défouler et tout de suite j'ai pensé à la boxe. Et puis je suis allée dans un club de boxe dans le quartier. Puis ça allait pas, je suis rentrée chez moi. Mais j'ai trouvé des petites annonces dans le quartier qui étaient scotchées sur des arbres. Et il y avait écrit « T'es une fille, tu veux faire du foot, rejoins-nous, t'as entre 16 et 25 ans, comme ça. » Et donc j'appelle le coach et je lui dis « Oui, en fait, ma fille voudrait faire du foot. » Et il me dit, et toi, tu veux pas venir, tu veux pas faire du foot, tu fais du sport, t'achètes des crampons, vous venez jeudi soir. Ok, et je savais pas ce que c'était des crampons. Je croyais que c'est des trucs pour escalader les glaciers, tout ça. Bref, je vais chez GoSport, j'achète des crampons les moins chers, parce que bon. Et je vais toute seule, j'abandonne mon mensonge de ma fille. Et là, ça m'a plu tout de suite, quoi. Il y avait un grand groupe de filles et de femmes. Il y avait un peu tous les âges. Bon, plutôt des gens très jeunes, mais il y avait aussi des personnes qui avaient la trentaine, quoi. Et, bon, moi, je passais vraiment sans problème parce que je suis vraiment beaucoup plus jeune que mon âge. Donc, voilà, ça n'a pas posé de problème. Et là, ça m'a tout de suite passionnée déjà pour les personnes qui étaient là. En fait, j'ai fait le premier entraînement. Il y avait un match le samedi après-midi, donc 2 jours après. Et il me dit, faut absolument que tu viennes parce que il y a pas assez de joueuses. Si tu viens pas, on peut pas faire le match. Donc grosse pression. Et je lui dis, mais je n'ai jamais regardé de match à la télé de ma vie. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je suis incapable de faire un match de foot. Il me dit, non, tu viens. C'est au Pré Saint-Gervais. T'es là. Pas le choix. Le match commence. Bah, j'étais sur le terrain. Je me suis mise à courir dans tous les sens et puis il m'a vite arrêtée en me disant, mais arrête de faire n'importe quoi. Garde ton poste. Et je lui dis, mais c'est quoi un poste? C'est quoi le poste? Il me dit, reste en défense et empêche les joueuses de passer et tout. Bon, il me coach, il m'explique les règles du foot en 2 minutes sur le bord du terrain. Et j'ai adoré le match. Et ce qui m'a frappé, c'était l'extrême violence du match. C'est-à-dire que les filles étaient des sauvages, quoi. Elles voulaient gagner. Et je me suis pris des coups d'épaule. Je me suis pas pris de tacle parce que en foot à 7, c'est interdit. Et moi, j'étais ravie, quoi. J'avais besoin de quelque chose d'intense. Et donc, c'était comme un match de boxe, en fait, ce premier match. C'était le coup de foudre et mon premier match, ma première révélation. Quand on joue au foot, on veut gagner et... Et ça permet tout, quoi. On se donne à fond, on n'a plus de corps, on s'oublie totalement. Moi, quand je suis en match, je suis prête à tout pour gagner. Je peux prendre des coups, je peux tomber, je peux me blesser, ça va peut-être être grave, mais j'y pense pas. En fait, j'existe plus, quoi. J'existe que pour la victoire et il y a une pression, il y a les autres joueuses, on ne doit pas faire d'erreur, on ne doit pas être faible. C'est comme une guerre et moi, j'adore ça. Pour moi, c'est une espèce de métaphore du féminisme, en fait. On est des femmes, on est ensemble, on doit gagner et c'est hyper fort et je suis prête à tout donner, quoi. J'adore essayer des nouveaux clubs. Je veux vraiment tous les tester. Bon, là, j'en ai vraiment testé beaucoup. J'essaye le foot sous toutes les coutures, quoi. Et maintenant, j'ai une bonne expérience des clubs. Et ma grande difficulté, c'est d'avoir du temps de jeu. Le temps de jeu, c'est le Graal. Tout le monde veut du temps de jeu. Parce qu'il y a les entraînements et il y a le match. Même si je vais à tous les entraînements et que je me donne à fond, et personne ne se donne plus à fond que moi, eh ben, je ne jouerai pas le samedi parce que le coach, il a ses joueuses. Il veut gagner, donc il va prendre les meilleurs. Et puis, s'il y a d'autres joueuses qui ont le même niveau que moi, il va pas prendre une femme d'un certain âge, parce qu'il va donner la préférence aux filles qui ont fait l'école de foot et qui connaissent déjà des années précédentes. Mais même si je paye ma licence, 260 euros par an, mon temps de jeu, il est dérisoire. J'ai passé une année entière dans un club compétitif où j'ai pas été sélectionnée une seule fois. J'ai pas joué de match, j'ai fait que m'entraîner. Mais j'ai accepté, je le savais à l'avance, parce que les entraînements étaient de haut niveau et pour moi c'était absolument extraordinaire de m'entraîner avec des filles dont ça aurait pu être le métier. Pour moi c'était un grand honneur et les côtoyer et les voir s'entraîner et tout, c'était fabuleux. Au début, je voyais plus ma place dans les gradins, quoi, comme une bonne mère de famille qui vient voir ses enfants jouer au foot. Puis non, c'est devenu une passion totale. Et je suis passée d'observatrice à joueuse. Ça a pris le dessus sur tout le reste. Ça a envahi, en fait, toute ma vie, quoi. Voilà. Ça va être bien. Faut pas mettre trop non plus. C'est quoi en fait? C'est ton ancien ballon Non, ça c'est les ballons que j'ai retrouvés quand j'avais 4-5 ans, je jouais avec ça. Mon père, c'est les premiers ballons qu'il te donnait, tu sais, les trucs blancs et noirs comme tu jouais à FIFA avec ça dans les années 2000. Dès que j'ai vu, j'ai pris. Alors Clément, qu'est-ce que tu penses de ce terrain là? C'est un bon terrain quand même parce que c'est un terrain de 8 contre 8. Il est, ouais, c'est du bon synthé. Donc ouais, c'est plutôt sympa comme terrain de quartier quand même. Ça glisse, non? Ça glisse beaucoup moins qu'un terrain comme tu peux voir par exemple sur les professionnels. J'ai eu la chance d'y rentrer une fois sur le terrain. C'était un match où Nantes est remonté en Ligue 1, c'était Nantes-Sedan, c'était au mois de mai 2013. Où tu rentres sur le terrain et sache que si t'es pas prêt, tu fais une glissade sur 10 mètres, ce qui m'est arrivé. J'étais dans les premiers supporters à arriver et je m'attendais pas à ça. J'ai fait une glissade monumentale devant toute la tribune. C'était plutôt sympa. Donc non, pour tout te dire, ça glisse pas tant que ça. Après, tu sais, quand on joue comme nous en district ou en régional, ça reste des terrains. Des fois, on a des champs de patates, on appelle ça, tu sais, avec des trous, tu as des chances de te faire des chevilles. Tu fais une passe, c'est-à-dire que le ballon reste bien sur le sol, et à un moment donné, tu sais pas pourquoi, il va y avoir un trou de taupe, et ton ballon va se mettre à sauter. Et des fois, ce qui peut surprendre le gardien. C'est arrivé même des fois en professionnel où le ballon arrivait pas forcément très fort, le gardien s'apprête à mettre sa jambe au sol pour bloquer le ballon au cas où ça lui passe entre les mains, et au final avec le petit saut il passe au-dessus de l'épaule et ça fait un but gag. Ça reste du foot. J'ai grandi en voyant très peu mon père quand même, parce qu'il bossait énormément. Et la chance que j'avais, c'est quand j'allais le voir ou quand je pouvais le voir, c'était quand on allait le samedi soir à la Beaujoire voir un match de foot du FC Nantes, ou quand il m'emmenait parfois à Paris pour aller voir les Bleus. Donc ça, c'était vraiment de super souvenirs, parce que voilà, quand on est gamin et qu'on voit 11 jeunes adultes taper dans un ballon comme nous on aimerait faire, voilà, ça fait ton cerveau est prédestiné à regarder et à aimer le foot ensuite. Match contre le Brésil, on est tous tout de suite dans le match, dans une espèce de dire, voilà quoi. Voilà, c'est le Brésil en face, on s'en fout. Enfin. De toute façon, je suis absolument pas objectif dessus. Le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur entraîneur, c'est Zidane. Et c'est lui qui m'a fait aimer le foot en 2006. Quand t'as 11 ans, que tu vas au stade depuis tes 5 ans et que tu vois un gars qui est en train d'apprendre aux Brésiliens comment jouer au football, c'est à partir de ce moment-là où les victoires ont commencé à me faire plaisir et les défaites, elles ont commencé à me faire mal. On perd. Mais par contre, si on les gagne, déjà on est en demi-finale. Et je peux te dire que tout le monde se souviendra de ça, quoi. Zidane, il jouait, tu sais, avec un costard sur le terrain. C'est-à-dire que tu lui donnais un ballon. Et la différence qu'il y a avec les grands joueurs d'aujourd'hui, c'est que Zidane, il rendait tout le monde meilleur autour de lui. Parce qu'en 2006, l'équipe qu'on a ne sort pas l'Espagne normalement en 8e de finale et ne sort surtout pas le Brésil en quart. Et avec lui, c'est lui qui nous a emmenés jusqu'à la finale. Perdu, certes, mais de toute façon, les grands partent toujours comme des grands. Il est parti comme un immense. Et tu regardes combien de matchs par semaine à peu près ? Je regarde environ 10 matchs, parce que ça fait quasiment un par jour. J'aime bien regarder la Ligue 2 le lundi soir, les Coupes d'Europe du mardi au jeudi. Puis après, il y a les Ligue 1 qui arrivent, il y a l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne. Quand tu aimes le foot, tu as toujours quelque chose à regarder pendant le week-end. Et le voilà, le 22e but en équipe de France, sous ce maillot bleu pour Antoine Griezmann. En revanche, il peut frapper. En fait, je faisais partie d'un petit collectif justement où j'allais avec les supporters. Un jour, on a demandé à ce club justement d'avoir un supporter de Nantes qui venait à la radio, qui était sur Sun Radio à Nantes, et pour commenter un match. Et au final, j'y suis retourné plusieurs fois, et après, j'ai pu donc commenter du foot, du basket, du handball, plein de choses différentes et qui sont très agréables à faire d'ailleurs. J'ai toujours l'impression, tu sais, quand c'est du basket ou du hand, que le plus fort gagnera. Parce que voilà, tout le monde va tout le temps au but, tout le monde va tout le temps au panier, il y a tout le temps des choses, donc forcément ta voix s'accélère et puis tout se passe sur le terrain, attention, shoot, etc. Quand c'est du foot, tu peux ne avoir le ballon que pendant 5 minutes sur les 90 et gagner le match. France-Belgique en est la preuve, même France-Croatie, on se fait totalement dominer, en est la preuve. Et il y a une chose, du coup, t'as plus le temps des fois de parler, t'as le temps que l'action se construise. Ça peut mettre 20 minutes avant d'avoir quelque chose, donc il faut être très calé par contre sur tout ce qui se passe, connaître bien les joueurs, connaître beaucoup d'anecdotes, savoir ce qui se passe dans le pays, l'importance du football dans le pays. C'est pareil, il faut savoir ça pour le basket et le handball, mais tu vas avoir moins de temps d'en parler. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. J'ai jamais appris à commenter un match. J'écoutais surtout des mecs que je trouve exceptionnels et qui font qu'un match devient plus intéressant que parfois d'autres commentateurs peuvent le faire. Mon idole par rapport à ça aujourd'hui, c'est Marc Gauthon. Commentateur de TF1, il est juste fantastique. Il va te vendre un match comme jamais on l'a vendu. Il y avait Gilardi avant lui. Il dit que Gilardi est son maître, mais j'ai quand même l'impression que l'élève a dépassé le maître. Et la frappe de Périssic. Il te fait passer le foot pour quelque chose de beau. J'ai l'impression qu'il a ma vision du foot. Il explique pourquoi j'aime ce sport en fait à chaque fois qu'on le voit sur le terrain. Ce que j'adore, c'est qu'il a toujours la phrase du but, il va toujours la sortir avant. Quart de finale contre l'Uruguay, but de Varane. On doit être en fin de première période. Il fait, ça serait le bon moment d'aller inquiéter le gardien Muslera. Pour perturber cette défense uruguayenne, ce serait un moment idéal à 5 minutes de la pause d'aller inquiéter vraiment. But est marqué et Marc Gauthon va faire, ça serait le bon moment pour aller marquer et mettre en danger le gardien Muslera. Tu vois, il y a le petit truc qui fait que voilà, t'es vraiment dedans quoi. dès que je peux aller dans un stade, que ce soit dans les différents terrains. J'adore me sentir dans les copes. Les copes, donc c'est les gens, toutes les personnes, tous les supporters qui chantent, qui vivent le truc à fond. Et c'est tellement bon d'être avec eux parce que voilà, on n'est pas forcément pour l'équipe, mais on ressent. T'as le ressenti des gens en fait. Tu vois le mec quand il y a une frappe qui est complètement ratée, qui va hurler non, c'est pas possible. Tu te sens dans le jeu en fait. Et quand les joueurs parlent de 12e homme, il faut savoir que c'est vraiment très important d'avoir un public qui te pousse tout le temps. Quand tu égalises à la 95e minute, comme l'a fait Lucas justement avec Tottenham, le public qui était énorme de l'Ajax jusqu'au bout, en fait, il a mis un coup de climatisation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout eu de bruit ensuite à la Cruyff Arena. Le plaisir est tellement intense que c'est voilà, pas descriptible. Et donc c'est pour ça que je préfère vivre le truc avec les supporters qui chantent tout ça. Parce que j'ai l'impression de vivre à travers eux ce que moi je ressens quand je vois un match de foot, quoi. Nous n'avons pas d'ennemis que des adversaires, affirment les Diables Rouges de Rennes. Durant 90 minutes, lors du spectacle footballistique, quel rôle joue donc le 12e joueur? S'il soutient sans réserve son club et l'accompagne et voyage avec lui, c'est aussi et surtout un spectateur actif, comme le déclare Sarah Kane, dramaturge britannique. À partir des années 60, les nouvelles formes de supporterisme se démarquent des associations officielles qu'ils jugent à la dévotion des dirigeants. Réticents à accepter une aide financière du club qui risquerait de limiter leur liberté de parole, ces supporters rejettent le fair play. Pour eux, le football est un affrontement entre deux camps. Parfois, ils recourent à la violence. Parfois aussi, ils sortent des tribunes et mettent au service de la rue l'exercice de leur pratique pour soutenir un pouvoir de contestation envers le régime. Il faut savoir qu'en Afrique du Nord, il y a une vieille tradition de contestation du pouvoir dans les stades, en fait. C'est vraiment le pouvoir qui a délaissé ça à la jeunesse masculine pour dire... Vous pouvez vous défouler dans les stades, dans les tribunes, pendant 90 minutes. Allez-y, défoulez-vous. C'est un exutoire, ça vous faire du bien. Et comme ça, vous allez rentrer tranquille à la maison. Michael Correa. Le problème, c'est que donc il y a cette fameuse culture ultra. C'est une culture qui est née dans les années 1970 en Italie, qui est vraiment issue de tout bouillonnement, de toute l'effervescence sociale, de ce qu'on va appeler les années de plomb en Italie. Et au fait, c'est vraiment des militants qui vont importer des pratiques propres au cortège politique dans les stades. C'est-à-dire, ils vont importer la culture de l'anonymat, qui est propre aux groupuscules d'extrême gauche à l'époque, le fait de s'autofinancer, d'être indépendant des institutions. Parce qu'à l'époque, voilà, tous ces petits groupuscules d'extrême gauche italiens font scission avec le Parti communiste italien et du coup s'auto-organisent entre eux. Et là, c'est la même chose au fait. Ces ultras-là se disent on va créer nos propres petits groupes de supporters en s'auto-finançant. Donc ces velléités d'indépendance, cette culture de l'anonymat, cette culture ultra, le fait aussi d'animer les tribunes pendant 90 minutes, notamment avec des slogans, des chants, des animations visuelles, ce qu'on va appeler les fameux tifos. Toute cette culture-là débarque en Afrique du Nord en 2007, en fait, grâce à Internet. Et toute la jeunesse masculine va être vraiment fascinée par cette culture-là. Et au fait, l'importation de cette culture ultra dans les tribunes va vraiment, comment dire, structurer politiquement ce défouloir, cet exutoire qu'ont été depuis les années 50, on va dire plus ou moins, les tribunes en Afrique du Nord. Et on va voir comme ça, dès 2007-2008, une vraie contestation des régimes autoritaires en Afrique du Nord. Donc les premiers slogans anti-Moubarak en Égypte ou contre Ben Ali en Tunisie vont vraiment s'entendre dans les stades. Cette jeunesse-là, ensuite, elle va vraiment subir une vraie répression policière de la part de ces régimes autoritaires-là, hein, puisque c'est une jeunesse qu'elle n'arrive pas à contrôler. Avec cette fameuse culture de l'anonymat, ce fameux autofinancement, les services de police, les pratiques de corruption ne fonctionnent pas, au fait. Donc cette jeunesse autonome-là va être réprimée par la police, et encore une fois, cette jeunesse va s'autodéfendre. En fait, elle va mettre en place des pratiques d'autodéfense policière. Donc quand le mouvement révolutionnaire éclate en 2011 en Tunisie, comme en Égypte, cette jeunesse se retrouve pleinement dans le mouvement révolutionnaire et au fait va aider les jeunes militants, le mouvement révolutionnaire, à s'autodéfendre face à la police. Ils vont aussi importer leurs slogans, leurs chants anticontestataires, et aussi un certain art de la composition. C'est-à-dire que pour les ultras, ce qui compte avant tout, c'est l'amour, la passion envers l'équipe, et on va mettre un peu de côté nos divisions, en fait. Et ils vont importer ça aussi dans le mouvement social. Ils vont se dire, notre objectif, c'est la destitution du régime. Donc voilà, OK, il y a des musulmans, il y a des laïcars, il y a des gauchistes, des socialistes, etc. Mais on va essayer de mettre un temps nos divisions de côté pour un objectif commun, qui est la destitution du pouvoir. Et là, pour entrer en résonance plus particulièrement avec l'actualité, depuis le début du mouvement en Algérie, c'est exactement la même dynamique. C'est-à-dire que on va vraiment avoir les supporters qui vont être le fer de lance de la contestation. L'hymne des grandes manifestations en Égypte, c'est un chant de stade, au fait. C'est un chant qui s'appelle la Casa del Mouradia, qui est un chant qui a été créé un an auparavant par les supporters de l'USMA, c'est l'Union Sportive de la Médina d'Alger, et qui est un petit clin d'œil à la Casa del Papel, cette fameuse série espagnole de Netflix, qui met en scène des braqueurs professionnels. Donc la Mouradia, c'est l'équivalent de l'Élysée en Algérie, et pour eux, en gros, la chanson, c'est voilà, les braqueurs, c'est le clan Bouteflika. Et encore une fois, en Algérie, ça c'est une très longue tradition. Il faut savoir que le plus vieux club d'Algérie, qui est le Mouloudia Club d'Alger, c'est un club qui a été créé en 1921 par et pour les Algériens, en fait. Et ça a vraiment effrayé les autorités coloniales françaises, à tel point que dès les années 30, ils vont imposer des quotas de joueurs européens dans ces clubs-là. Et l'USMA aussi, donc ce fameux club qui a créé l'hymne de la Casa del Mouradia, a aussi cet imaginaire anticolonial, dans le sens où pendant la bataille d'Alger, le chef de la zone militaire de la Casbah d'Alger était un ancien joueur de foot de l'USMA, et ils vont recruter de nombreux combattants dans le club de football. Donc quand on parle avec ses supporters, ils disent « on est dans cette même lignée historique ». En fait, le football, notamment cette culture du supporterisme, elle mobilise deux concepts qui sont très dangereux. C'est le concept d'identité et de territoire, en fait. Et c'est vrai qu'au début, la culture hooligan, ce qu'on appelle le hooliganisme dans les années 70, au début, c'est des jeunes fils d'ouvriers, au fait, qui veulent refaire communauté, au fait. En Angleterre, beaucoup, et aussi en Italie. Voilà, c'est la fin des grandes communautés ouvrières. Les quartiers ouvriers n'existent plus. Hein, c'est le début des grands HLM, etc. Et ces jeunes fils d'ouvriers veulent retrouver ce sens de la communauté. Et au fait, le nouveau territoire, ça va être les tribunes de football, au fait. Et quand on n'a plus non plus l'usine et la communauté ouvrière, le club va servir un peu de substitut symbolique pour cristalliser cette identité collective. Donc au début, on était sur des principes voilà, d'identité collective, d'identité ouvrière, de territoire aussi inclusif à défendre, au fait. On défend sa tribune face aux adversaires, etc. Le problème, c'est que l'extrême droite, elle va très bien comprendre qu'elle peut manipuler ces questions-là et transformer un territoire qui peut être ouvert en quelque chose de très fermé, en territoire à défendre physiquement, et aussi fermer cette question d'identité ouvrière, d'identité inclusive, en quelque chose de très identitaire justement, de très replié sur soi. Ça va ensuite basculer justement à la fin des années 70, avec l'arrivée de Thatcher et ce que je racontais, avec l'avènement de l'extrême droite aussi. En Angleterre, ça va se manifester avec de nombreux groupuscules néo-nazis qui vont vraiment s'insérer dans les tribunes, et ça va se terminer sur des choses justement avec un supporterisme très identitaire. En Italie, la culture ultra, c'est vraiment dans les années 90 qu'elle va basculer, avec pas mal de militants fascistes, néo-fascistes, qui vont s'infiltrer dans les tribunes. Pour moi, c'est vraiment une vraie défaite de la gauche, qui va justement déserter ou qui va pas s'investir dans les tribunes et qui va être appropriée justement par l'extrême droite. Moi, je regarde jamais de foot masculin, ça m'intéresse pas, et les joueurs de foot masculin m'intéressent pas. Pourquoi ? Parce que pour moi, ils sont comme des robots. Ils ont tous commencé le foot à 3 ans et demi. Ils ont tous intégré des clubs. Je crois que Messi était déjà au Barça à 5 ans, quelque chose comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ils sont totalement profilés pour leur activité. De plus, le jeu féminin, je trouve, est totalement différent du jeu masculin. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, quoi. Les hommes qui se jettent tous par terre pour provoquer une faute, pour avoir un coup franc, obtenir un coup franc, etc. Moi, je trouve ça vraiment lassant. Ils sont tout le temps par terre, quoi. Dans le foot féminin, chaque joueuse a une expérience passionnante. On pourrait écrire un livre par joueuse, parce que déjà, elles ont commencé par essayer de faire du foot quand elles étaient petites. Adrienne Alcover. Et bon, il y a des cas où ça se passe bien, parce que, par exemple, le père, bah, il a que des filles, et il veut vraiment qu'il y en ait une qui fasse du foot, ça arrive souvent. Du coup, il y en a une qui s'y colle, et elle devient très forte. Mais la plupart du temps, ça a été un combat pour elle, ou ça a été une histoire intéressante. J'ai voyagé avec le foot, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Il y a plein d'histoires, je pourrais écrire un livre par saison, tourner des films, enfin, il y a des histoires soit tristes, du style la joueuse qui vient en cachette parce que ses parents veulent pas, finalement son père vient, il s'en rend compte et il la surveille, il vient au match, mais c'est pas pour l'encourager, c'est pour la surveiller. Une autre joueuse qui vient avec un œil au beurre noir parce qu'elle est tombée dans l'escalier, puis la semaine d'après aussi, on essaie de l'aider. Elle a à peine 18 ans, du coup on se concerte, on est là, qu'est-ce qu'on doit faire. Une joueuse qui se livre, qui est ultra timide et tout ça, mais petit à petit, au bout de plusieurs mois, bon, elle raconte son histoire. Dans sa famille, elle doit servir ses frères à table. Évidemment, elle n'a pas le droit de faire du foot, mais bon, en insistant, en ayant des bonnes notes. Des histoires qu'elle nous livre petit à petit parce qu'on devient amis, parce qu'on fait du foot ensemble et que du coup, voilà, mais on est les seules personnes à qui elle peut se confier. Et puis, ce qu'elle vit sur le terrain, elle va l'appliquer dans sa vie et c'est vraiment émouvant, quoi, de voir ces jeunes filles pour qui le foot change tout, quoi. La chose la plus incroyable, c'est le tournoi Discover Football. Ce tournoi-là, c'est vraiment. C'est ce que je viens de raconter, mais version XXL, parce que. C'est un tournoi qui a lieu à Berlin. Il est organisé par tout un groupe de jeunes femmes extraordinaires, hyper bien organisées. Et elles invitent tous les deux ans des équipes des pays du pourtour méditerranéen à venir disputer ce tournoi. C'est au-delà du foot, quoi. Et j'ai eu la chance énorme de participer à ce tournoi. Et c'était vraiment extraordinaire. Par exemple, j'ai rencontré cette femme afghane, très jeune femme afghane, qui s'appelle Khalida Popal. C'est une histoire qui commence en Afghanistan. Elle joue au foot avec des amis quand elle est très jeune et ça commence par des insultes. Elle se cache un peu sur des terrains un peu à part, mais elles se font traiter de prostituées parce qu'elle joue au foot, etc. Enfin, on voit même après, elle raconte que même après le départ des talibans, ça continue, impossible de jouer au foot. Finalement, elle est obligée de fuir son pays et elle devient réfugiée. Elle se retrouve dans un camp de réfugiés au Danemark. Elle a plus sa famille, plus d'amis, elle est totalement isolée. Et du coup, petit à petit, pour s'en sortir, elle raconte que c'est grâce au foot, elle a recréé une équipe là-bas. Et maintenant, elle a réussi à recréer cette équipe qui est une équipe nationale afghane. Je prends conscience de tout ce que représente ce voyage à Berlin pour ces femmes. Ça fait l'effet d'une psychanalyse, peut-être, passe par le sport, où elles expriment physiquement ce qu'elles voudraient que leur vie devienne, c'est-à-dire la possibilité de respecter un règlement précis, mais qui laisse aussi la possibilité d'une victoire. Le foot, c'est une métaphore, quoi. Et ça transforme la vie de ces personnes-là, quoi. Ça transforme ma vie, moi aussi. Bon, je pars pas d'un drame aussi intense que d'autres personnes, mais pour moi, ça a tout changé, donc ça change la vie. Joue le jeu, menace l'adversaire encore plus, Nike la règle, fais le beau geste, fiste la faille, respire un peu plus vite. Forme une meute, pas un troupeau, n'aboie pas le maître, mange-le. Ne change pas de chaussettes, ne change pas de terrain, change le sport, moule-toi, démoule-toi, arrache ton tutu, arrête le déo, brosse tes poils avec soin. Tire-toi, deviens stratège, broute le gazon, néglige l'arbitre, montre tes muscles, sors les dents. Je je m'entraînais tranquillement et Rebecca Chaillon est venue regarder l'entraînement et à la fin elle a demandé comme ça s'il y avait des personnes intéressées par une performance autour du foot. Mais moi, je me suis jetée sur elle, quoi. J'ai dit oui, ça m'intéresse. Et elle m'a dit, bah, je vais un petit peu te parler du projet. Je fais, non, c'est pas la peine, je veux le faire. Le principe, c'est de rassembler 11 femmes, de faire une pièce de 90 minutes de long, qui parle du foot féminin, mais que ce soit un prétexte pour parler de féminisme, pour parler de droits des femmes, pour parler du rapport entre les femmes et le sport. Cette expérience est fabuleuse et elle se poursuit encore et c'est sans fin, c'est que dire. Le football m'a tout apporté. T'as pas mal à la poitrine quand tu amortis. Et tu sais qu'il faut pas jouer avec les mains, hein. T'es sûr que t'as bien compris ce que c'est le hors-jeu? Oh là là, ça doit être dur quand t'as tes règles. Et tu sais ce que c'est le mercato? Le classico? L'atletico? Les pénaux? T'es venu pour t'amuser de l'attraction? Mesdames et messieurs, la FIFO! La place des femmes par rapport aux hommes. Par exemple, s'il y a un match improvisé sur la plage ou dans un champ, je sais pas où, en vacances, d'abord, il y aura que des hommes. Et après, si toi, tu as un bon niveau et que tu as envie de jouer, ça va être très compliqué. Les garçons n'ont pas trop envie de jouer avec une femme, donc on lui passe pas la balle, on l'ignore. Ça, c'est le cas classique, parce qu'ils ont envie de passer le ballon à quelqu'un qui va faire un bon contrôle et qui va faire une passe décisive. Donc on sait que si c'est une fille, bon, y a une grande chance qu'elle sache pas jouer, donc elle va rater son contrôle, on n'a pas trop envie de lui passer le ballon. Après, il y a l'autre cas où les garçons vont faire preuve d'un peu trop de gentillesse, c'est-à-dire qu'ils vont faire une passe, mais toute molle, qui sert à rien en plus. Ça commence dès la petite enfance. Le cas classique de la cour de récré où tous les petits garçons jouent au football et les filles les regardent et en plus ils prennent toute la place. J'ai dû entraîner pendant tout un hiver une équipe. C'était des enfants qui avaient à peu près 6-7 ans. Et il y avait 25 garçons, il y en avait beaucoup trop d'ailleurs. Et il y avait juste une fille. Mais sur les bords du terrain, quand je faisais des entraînements, il y avait les parents qui attendaient la fin de l'entraînement et tout ça. Enfin, qui regardaient pas forcément. Mais bref, il y avait beaucoup de parents qui étaient là et il y avait aussi des sœurs. Je disais à chaque fois, mais viens t'entraîner avec nous au lieu de rester sur le bord. Elle me disait, non, j'ai pas envie. C'est bon, ça va, je reste sur le côté. Quand je vais voir les parents, je leur dis, mais la sœur d'un tel, elle peut s'entraîner avec nous, elle sera mieux sur le terrain. Et en fait, bon, c'est pas qu'ils étaient contre, mais en fait, ils avaient jamais vraiment réfléchi à ça. Donc, ils allaient y réfléchir. Oui, peut-être, effectivement, ce serait plus logique. C'était comme ça la plupart du temps. Comment? Parc des Princes, wesh! Les mecs, ils viendraient pas jouer dans un truc qui s'appelle Parc des Princesses! Tu vois, moi, c'est la Coupe du Monde de foot a lieu en France. Aujourd'hui même. Et je vais y aller, bien sûr. J'ai mes billets pour tous les matchs. J'ai surtout mes billets pour les deux demi-finales et la finale qui ont lieu à Lyon. Le foot de haut niveau, les sponsors, l'argent, les championnes, tout ça, c'est très bien. Mais en fait, moi, bon, ça me passionne pas vraiment. Je suis contente, je vais aller voir les matchs. Je suis contente parce que c'est en France. Mais moi, je suis très critique vis-à-vis du football féminin en France. Je trouve qu'il est pas bien pris en charge. Je trouve qu'il n'y a pas assez de terrain, il n'y a pas assez de coach, il n'y a pas assez d'équipe. Les vestiaires sont pas terribles quand il y a des vestiaires. Et là, il va y avoir plein de petites filles qui vont vouloir faire du foot. Bah, je sais pas, mais les clubs sont déjà archi pleins. On n'a pas assez de temps de jeu par joueuse. Voilà, en France, je trouve qu'il y a un problème et que le problème va s'empirer là si on fait rien. Du coup, je ne sais pas à quoi on joue je sais pas à quoi on joue. Je suis hyper ravie de ce qui se passe, je suis ravie d'aller à la Coupe du Monde demain, mais j'avoue que c'est juste une topique, c'est pas pour ça que la semaine prochaine, le match amical ou le match lambda sera diffusé sur TF1 en prime time, c'est là parce que ça rapporte de la thune, parce que TF1 c'est de la thune, et qu'il y a de la thune à mettre, il y a Coca-Cola qui vient de sponsoriser une joueuse, donc c'est bon, le Qatar dans 5 minutes il va racheter l'équipe, donc ce sera bon, et on fera les JO en France, et on sera content parce qu'on est très chauvin, et on aime bien quand c'est nous qui gagnons, et donc du coup on va gagner, bizarrement je suis sûre qu'on va gagner, je suis prête à couper les doigts qu'on va gagner, et j'en ai besoin de mes doigts, et bah tu vois, je suis quasiment sûre que là on va gagner la Coupe du Monde, comme ça pour dire, oh regardez, les hommes et les femmes ont égalité en France, on a gagné la Coupe du Monde. Et c'est que du mytho, on joue en France, on gagne en France, bon. Et oui, ça rassemble toutes les classes. Mais de quelle manière, Marie? Ouais, au Brésil, on joue pieds nus. Ouais, en Afrique, on joue sans filet, sans ballon, même on joue avec des canettes de coca. Mais excuse-moi, est-ce que j'ai l'impression que c'est le même foot? Est-ce qu'on peut appeler ça la même chose? Est-ce qu'on en a pas marre de vouloir l'égalité dans le capitalisme? Est-ce qu'on en a pas marre de dire que ça les meufs ont les mêmes salaires? Mais j'ai pas envie qu'elles aient les mêmes salaires. Je suis admirative du football aux États-Unis, du football féminin, le soccer. Les joueuses américaines sont ultra fortes. J'adore l'équipe nationale des États-Unis. J'adore l'attaquante Abby Wambach parce que Abby Wambach, elle est très musclée, elle est très grande, elle est mariée avec une femme. Et quand elle gagne un match, elle court dans les gradins et elle embrasse sur la bouche sa femme et elle est filmée et ça passe au journal et il n'y a aucun problème. Et puis dans l'équipe américaine, voilà, des joueuses sont ouvertement lesbiennes et ça pose aucun problème. Dans l'équipe allemande, il y a des joueuses qui ont les bras tatoués, qui ont la tête rasée, dans d'autres équipes aussi. Bon, en France, il y a un espèce de stéréotype de la joueuse super mignonne avec sa queue de cheval, son maquillage, son vernis à ongles. C'est vraiment fatigant, quoi. Elles se ressemblent toutes. On sait très bien que statistiquement, dans le taille, forcément qu'ils sont des lesbiennes. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais... Et peut-être que les lesbiennes, maintenant, aiment se faire des queues de cheval et porter du vernis, bien sûr. Mais je pense que statistiquement, il y aurait forcément des joueuses qui auraient des physiques un peu différents. Je trouve aussi qu'elles sont toutes anormalement mignonnes. Non, il y a des femmes qui ne correspondent pas au standard français de la petite robe noire, la haute couture, le luxe, le parfum, tout ça, je pense que c'est un gros problème pour le féminisme français et ça se voit dans l'équipe nationale de foot. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire le vrai jeu, bordel? Quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter de rêver dans le vide? Quand est-ce qu'on va arrêter de se laver, de se soigner, de mettre nos corps en pâture? Quand est-ce qu'on va arrêter de faire semblant de s'échauffer, de s'entraîner? Quand est-ce qu'on va arrêter de débattre et qu'on va rentrer sur le terrain pour de vrai? Qu'on va arrêter de donner de la valeur à tout ce qui merde? Moi, j'ai horreur d'entendre les journalistes qui disent « Oui, elle est vraiment très forte, cette attaquante, et elle a su garder sa féminité. » C'est insupportable à entendre, quoi. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai envie de voir des joueuses hyper fortes, quoi, hyper musclées, hyper rapides, qui se donnent à fond. Et ça veut dire quoi, qu'elle a gardé sa féminité? Moi, je m'en fous de sa féminité. Je veux juste qu'elle marque des buts et que ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'elle soit pas coincée par quoi que ce soit, quoi. Ok. Là, on va se calmer. Je crois qu'on a toutes besoin de se ressouder. Sinon, on va perdre le match. Alors, on va faire quelques entrées ensemble. Joue le jeu. Menace l'adversaire encore plus. Marque la règle. Fais le beau geste. Fils de la paille. Oh! Pour le troisième tour de la chatte du monde, la Fifoun a été accueillie par les U19 de l'AS Torcy. On observe deux équipes combattantes qui s'affrontent sous la pluie de notre stade Pierre Connard de Coubertin. Les shorts sont boueux, la rencontre reprend. D'un coup sur les terrains, eh bien, toutes les joueuses s'arrêtent. La Fifoun semble clairement affaiblie. On va dire que l'équipe adverse aussi, hein, pas par le match qui semblait se dérouler superbement malgré les conditions climatiques. Nous sommes clairement, très clairement affaiblis, pas faibles. Égaliser la société à tout prix n'est plus l'objectif, ne plus simplement vouloir être sur le terrain, mais bien vouloir qu'il y ait de quoi y brouter et qu'on ne se laisse pas attacher à une verticale, ne pas devenir crotte de bique dans le récit du monde, envie que des cartons rouges soient distribués, que la tribune soit vidée et qu'on soit enfin entre nous pour inventer des règles du jeu et construire des podiums plus larges. Faire du sport, le foot comme un jeu. Avec Mickaël Correa, Clément Lebas, Adrienne Alcover, Elisa Monteil et les joueurs du City Stade de Montreuil, Sekana, Mohamed, Nino Brown. Merci à Rebecca Chaillon, performeuse, et à toute l'équipe de la Fifoun de Là où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Merci à Laure Meunier et Emmanuel. Prise de son, Laurent Lucas et Olivia Branger. Mixage, Pierrick Charles. Coordination, Perrine Kervran et Marivonne Bolivier. Une émission de Juliette Boutillier, réalisée par Annabelle Brouard. Footballeuse, sprinteuse, tenniswoman, boxeuse, entraîneuse, préparatrice et championne, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans les vestiaires, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.